Pourquoi tu es joyeuse encore? Tu ne vois pas que mon sourire est mort. Tu devrais aussi tuer le tien. Et nous deviendrons des chagrins. Je ne veux pas tomber amoureux de toi. Je ne veux pas, tu ne veux pas tomber amoureuse de moi. Alors arrête d'être belle comme ça. Tu ne fais pas exprès, mais c'est là. Cet élan qui rend fou. Dans mon cœur, le sang bout. Je ne veux pas tomber amoureux de toi. Je ne veux pas, tu ne veux pas. Pourquoi tu es encore joyeuse? Espiègle fée lumineuse. Pourquoi tu viens tout éclairer? Alors que les portes sont fermés. Tu resplendis, t'es-tu acharné? Devant ce monde décharné, peut-être que c'est déjà trop tard. L'amour m'a foudroyé, quel connard. Et déjà je sens le désespoir m'envahir de tristesse noire. Je ne veux pas tomber toi, je ne veux pas, tu ne veux pas tomber amoureuse.